16 ans, il fait découvrir sa voix à un public qui l'entend et qui ne s'en lasse pas. Il est fait, oui, pour la scène, il ne fuit pas son destin. Il vit sa vie comme il l'aime, se fait un nom parmi les siens. Et il chante le rock and roll, et Dieu sait comme il aime ça, de chanter le rock and roll, et c'est ça qui fait que son cœur bat. Quand il avance dans sa vie, il fait s'illuminer son nom. Il s'est fabriqué une famille qu'il a construit à sa façon. Cet homme est devenu si grand que pour moi c'est une légende. Pour moi il est le survivant, tellement sa voix est puissante. Quand il chante le rock and roll et que ses pensées se dévoilent, en chantant le rock and roll sur sa vie il lève le voile. Pour chanter le rock and roll il se donne comme un lion se déchaîne. Quand il chante le rock and roll qu'il s'offre au public sur une scène. Devenu mon idole, il m'a donné l'envie, l'envie de prendre mon envol et de chanter comme lui. Toute ma vie, le rock and roll, et Dieu sait comme j'aime ça, de chanter le rock and roll, car c'est ça qui fait que mon cœur bat. Quand il chante le rock and roll et que ses pensées se dévoilent, en chantant le rock'n'roll sur sa vie, il lève le voile. Pour chanter le rock'n'roll, il se donne comme un lion se déchaîne. Quand il chante le rock'n'roll, qu'il sort au public sur une scène. Wow. Il chante le rock and roll et que ses pensées se dévoilent, en chantant le rock and roll sur sa vie il lève le voile. Oui, pour chanter le rock and roll il se donne comme un lion se déchaîne. Quand il chante le rock and roll qu'il s'offre au public sur une scène. Quand il chante le rock and roll et que ses pensées se dévoilent, en chantant le rock and roll sur sa vie, il lève le voile. Pour chanter le rock and roll, il se donne comme un lion se déchaîne. Quand il chante le rock and roll, il se propose.